Aleluya. On a eu de bons moments la nuit de l'esprit hier. N'est-ce pas? Qui était là la nuit? Acclamez le Seigneur. On a eu aussi de bons moments au premier culte. Je pense que je lui laisse la place. Que Dieu vous bénisse. Là, il n'attend pas. May God bless you. Dis merci au Seigneur. Maana atakupa ushuhuda. Parce qu'il va te donner un témoignage. Mwambie asante. Dis-lui merci. Wa mama tumwambie asante. Les femmes disons merci à Jésus. Kutupatia mchungaji. De nous avoir donné un pasteur. Ambaye amekuwa na roho wa Mungu. Qui a l'esprit de Dieu. Tumwambie Bwana asante. Disons merci au Seigneur. Asante kwa kutubariki. Merci de nous bénir. Jina lako libarikiwe. Que ton nom soit glorifié. Kwa jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus Christ. Tumeomba na kushukuru. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Wacha tumpe Yesu makofi mazuri. Acclamons très fort pour le Seigneur. Amen. Tupigie Roho Mtakatifu makofi mazuri. Acclamons pour le Saint-Esprit. Pigia Mungu Baba makofi mazuri. Acclamons pour Dieu le Père. Pigia Baba makofi mazuri. Acclamons pour Dieu le Père. Acclamons-le comme il le faut. Amen. Amen. Shangilia kwa sababu ya miujiza. Acclamons à cause des miracles. Célébrons Dieu. Shangilia Yesu. Célébrons Dieu. Amen. Amen. Weka mkono wako hapa, sema nimebarikiwa. Mets ta main sur ta tête et dis je suis béni. Nataka ukiri mara tatu nimebarikiwa. J'aimerais que tu puisses déclarer trois fois je suis béni. Blessing is more powerful than a curse. La bénédiction est plus forte qu'une malédiction. I say blessing is more powerful than a curse. Je dis la bénédiction est plus forte que la malédiction. So this morning declare I am blessed. Donc ce matin déclare que je suis béni. In Jesus name. Au nom de Jésus. You may be seated. Nous pouvons nous rasseoir. Hallelujah. Amen. Geukia jirani yako, Kongo anasema liye pembeni. Tourne vers à ton voisin, de droite et de gauche, et dis-lui, tu es béni. Quel est le nom de notre église? Dites très fort. Arche de l'Alliance. Ah ah, ça c'est Sandukulagano. the Ark of the Covenant. Wakati sanduku la agano ilipelekwa kwa hekalu la Dagoni. Quand on a amené l'arche de l'alliance dans le temple de Dagon. Asubuhi walipata Dagoni ameanguka. Le matin on a trouvé que Dagon était tombé. Wakasimamisha tena. Ils ont relevé la statue. The following day, le jour suivant, wakapata imevunjika. Ils ont trouvé c'était déjà brisé. Kwa sababu ni madhabahu imebeba sanduku la agano. Parce que c'était l'autel qui transportait l'arche. Miungu ya ulevi imevunjika. Les idoles de l'ivrognerie sont brisées. Kwa sababu sanduku la agano lipo. Parce que l'arche de l'alliance est là. Katika nyumba ya Bwana. Dans la maison de l'Éternel. Uchawi wote. Toute sorcellerie. Na wachawi wake. Et tous les sorciers. Kwa maisha yako. Dans ta vie. Leo wameanguka. Aujourd'hui ils sont tombés. Sema wameanguka. Si ils sont tombés. Amen. Amen. Wale walio kulani walikosea sana. Ceux qui t'ont maudit, ils ont fait une erreur. Hebu niseme pole pole kwa wale wanaelewa Kiswahili. Let me dire doucement pour ceux qui comprennent Swahili. Wale walikulani walikosea. Ceux qui t'ont maudit. Ngoja nimalize. Wale walikulani walikosea sana. Ceux qui t'ont maudit ont fait une grave erreur. Hawakujua kuna Mungu yuko binguni anaangalia. Ils ne savaient pas qu'il y a un Dieu qui est au ciel et il est en train de voir. Anayegeuza laana kuwa baraka. C'est lui qui change la malédiction en bénédiction. Hebu nipate wazee watano. Laisse-moi voir 5 hommes. Wako na sura nzuri wakuja hapa. 5 hommes bogards qui viennent ici. Sante. Thank you my friend. God bless you. Que Dieu te bénisse. Wamefika kweli? Bado. Hein? Thank you. Nani wasema umeogopa? Les hommes ont peur. Thank you sir. Merci. Sasa naomba mshikane mikono. Tenez-vous les mains? Round. Faites un cercle. Shikana hivi round. Cercle. Kuja tu, kuja. Viens, viens, viens frère. Kuja hata tukiwa sita. Hiyo ni muujiza. Ça c'est un miracle, il y a un sixième. Nataka uone siku ya leo. J'aimerais que tu puisses voir aujourd'hui. Nimeita watano wamekuja sita. J'ai appelé 5 et il y a 6 qui sont venus. Na namba 6 ni namba ya mwanadamu. Et 6 c'est le chiffre de l'homme. Mungu alimaliza kazi siku ya sita. Dieu a fini le sixième jour à créer. Kupitia wa sita. Et au travers du sixième. Chochote imekusumbua kimemalizwa leo. Tout ce qui te dérangeait est fini aujourd'hui. Napata ufunuo tu. J'ai une révélation qui est. Sasa sikiliza vile maadui wako walifanya. Maintenant écoute ce que tes ennemis ont fait. Wakati walishikana mikono. Ils se sont tenus les mains. Walikuwa na kuombea uishe. Et ils étaient en train de prier pour que tu lakini sois fini. Hawa. Mais c'est pas ceci, c'est pas eux qui sont tes ennemis. Si unanielewa nyumbani. Vous comprenez ce que je veux dire. Wanasema akufe. Celui-là dit qu'il meurt. Watoto wake waishe. Que ses enfants soient baraka yote ikose. Que qu'il manque de bénédiction. Wanarusha maombi hapa. Ils sont en train de lancer des lakini prières. Wamezuia nikienda sifunge. Et ils ont bloqué quand je veux sortir. Nikienda, quand je veux sortir, il me bloque. Nikienda, je veux sortir, il me bloque. Nikienda, je veux sortir, il me bloque. Lakini shida moja wajajua. Mais une chose qu'ils ne savent pas. Hawajafunga hapa. Ils n'ont pas bloqué là. Nasema watafunga hivi. Ils vont bloquer de ce côté. Watafunga hivi. Ils vont bloquer de l'autre côté. Lakini hapa. Mais ici, ni Mungu ndiako. C'est Dieu qui est là. Hawawezi kufunga. Ils ne peuvent pas fermer. Bingu iko wazi. Le ciel est ouvert. Umebarikiwa. Que Dieu vous bénisse. Naleta ujumbe. J'ai un message. The power of prayer. De la puissance de la prière. Nguvu ya maombi. La puissance de la prière. Mutu maskini ni ule mtu aombi. La personne qui est pauvre, c'est la personne qui ne prie pas. Utakuwa maskini kama utaomba. Tu seras pauvre si tu ne pries pas. Wachawi watakuwa na nguvu kama utaomba. Les sorciers auront de la force si tu ne pries pas. Unapoomba, quand tu pries, Mungu Baba anakuja. Dieu descend. Mungu Mwana Yesu Kristo anakuja. Jésus-Christ descend. Le Saint-Esprit descend. Na mtu ambaye anaomba. Et quelqu'un qui prie. Amezungukwa na malaika. Il est entouré par les anges. Maadui watakuzunguka. Les ennemis vont t'entourer. Lakini bingu kinua macho. Mais quand tu vas élever les yeux vers inatumana le ciel, ils vont envoyer le Daoudi akasema. David a dit. Nitainua macho yangu. J'élèverai mes yeux. Kule mlimani. Vers la montagne. Msaada wangu unatoka wapi? D'où me viendra le secours? Unatoka kwa Bwana. Mon secours vient de l'Éternel. Nimekuja kuleta msaada wako leo. Je suis venu te donner ton appui aujourd'hui. Msaada kufanya mambo makubwa. Le secours pour te donner de grandes choses. Kile ilikushinda 2018. Ce qui n'était pas possible en 2018. 2019 January. En 2019 janvier. 2019 mwezi wa February. En février 2019. Hautamaliza match. Tu ne vas pas finir le mois de mars. Hatutaingia mwezi mpya. On va pas entrer dans un autre mois. Tukiwa tunasumbuliwa. Ayant toujours les mêmes problèmes. Ça doit arriver à sa fin. Waliokuwa juu yako. Ce qui était au-dessus de toi. Watawekwa chini ya miguu yako. En bas de toi. Warumi 16:20. Romains 16:20. Warumi 16:20. Romains 16:20. Inasema Mungu wa amani. Ça dit le Dieu de paix. Ataweka shetani. Gardera mettra Satan. Chini ya miguu yako. Sous tes pieds. Kiingereza inasema and the Lord shall crush the devil. Et en anglais ça dit il va écraser le diable. Atavunja vunja shetani. Va écraser le diable. Na kuweka chini ya miguu yako. Le mettre sous ton talon. Magonjwa yako hapa. Les maladies sont là. Shida ziko hapa. Les problèmes sont là. Laana iko hapa. Les malédictions sont là. Kuanzia leo. À partir d'aujourd'hui. Utatembea juu ya kansa. Tu vas marcher sur le cancer. Utatembea juu ya laana. Tu vas marcher sur les malédictions. Kwa sababu wewe ni wa kuomba. Parce que tu es un homme de prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Kabla sijamaliza kuhubiri. Avant que je ne finisse ma prédication. Kuna watu wataanza kupona. Il y a des gens qui seront en train de te guérir. Kuna kuwa takuwa na manifestation ya Roho Mtakatifu. Il y aura la manifestation du Saint-Esprit. Thank you Holy Spirit. Merci Saint-Esprit. Thank you Holy Spirit. Merci Saint-Esprit. Kuna ndugu hapa alikuanga jambasi zamani wa bunduki. Il y a un monsieur ici qui était bandit à main armée avant. Na kuna kitu na kuambia tena. Il y a quelque chose qui est en train de te dire encore. Rudi kwa hiyo kasi ya ujambazi. Rentre dans ce banditisme. Na tayari umenunua pistol. Et tu viens d'acheter un revolver. Baada ya ibada kuja kwa ofisi ya Papa Eston. Après le culte, va au bureau du pasteur Eston. Na ameketi pale. Et tu es assis quelque part là-bas. Wewe ni wa Mungu. Tu es enfant de Dieu. Nasema wewe ni wa Mungu. Je dis tu es enfant de Dieu. Tu appartiens à Dieu. La force de la prière. Asubuhi, le matin, tumesoma Genesis chapter 4. Nous avons lu dans Genèse 4. Kuanzia 13. À partir du 13e verset. Mpaka 17. Jusqu'au 17e. Mungu alilaani Kain. Dieu avait maudit Caïn. Kwa sababu ya kuua ndugu yake. Parce qu'il avait tué son frère. Lakini Kain alipoomba. Mais quand Caïn a prié, akaambia Mungu. Il a dit à Dieu. Aya mambo menitamkia. Ces choses que tu viens de dire. Ni mazito sana. C'est trop grand pour moi. Mimi sitaweza. Je ne saurais pas les porter. Akaongea na Mungu. Il a parlé à Dieu. Alipotoka kwa presence ya Mungu. Quand il quitta la présence de Dieu. Mstari wake wa 16. Le 17e verset dit. Alienda kakutana na mke wake. Il est parti et il connut sa femme. Mke wake akapata mimba. Et elle devint enceinte. Akazaa mtoto anaitwa Enoch. L'enfanta un enfant qu'on appela Enoch. Na mnakumbuka Enoch ni nani? Et vous vous souvenez c'est qui Enoch? Ametoka kwa nyumba ya mtu aliyelaniwa. Il est venu de la maison de quelqu'un qui fut maudit. Enoch Biblia inasema alitembea na Mungu mpaka he was no more. Enoch marcha avec Dieu jusqu'à sa fin. Haijalishi umetoka kwa nyumba ya wachawi. Peu importe si tu es venu d'une maison de sorciers. Wewe utakuwa mchungaji tu. Tu seras pasteur. Haijalishi umetoka kwa nyumba watu wajasoma. Si tu es venu d'une maison où les gens n'étudient pas. Wewe utafika university. Toi tu seras à l'université. Utakuwa na degree. Tu auras des diplômes. Utakuwa na PhD. Tu auras de doctorat. Kwa sababu wewe si mbegu ya kwao. Parce que tu n'es pas une semence de cela. Ukishaingia kwa nyumba ya agano. Quand tu es entré dans la maison de l'alliance. Agano ya zamani inaisha. L'ancienne alliance est coupée. Unaanza kuoperate. Tu commences à opérer. Kwa agano mpya. Dans une nouvelle alliance. Magonjwa yaliua mtu aliyekutangulia. Les maladies qui ont tué tes prédécesseurs. Ça ne va pas te tuer toi. Kile kinakula watu wa Goma. Ce qui est en train de faire finir les gens de inakula Goma. Ndoa za watu wa Goma. Ce qui est en train de briser les mariages à Goma. Haitakula yako. Ça ne va pas briser ton mariage. Hata kama mama yako aliachana na baba. Même si ta maman ils se sont séparés avec ton père. Kwa shida. Vous avez grandi avec leo des difficultés. Baada haya maombi. Aujourd'hui après cette prière. Shida inafika ce mwisho. Problème est arrivé à sa fin. Natangaza kama nabii. Je déclare en tant que prophète. Shida inafika ce problème est arrivé à sa fin. Non, Enoch. Enoch, ametoka kwa nyumba ya baba amelaniwa na Mungu. De la famille d'un père qui a été maudit par Dieu. Na Mungu. Mais quand il s'est connecté avec Dieu, walitembea na yeye. Ils ont marché ensemble. Hakuona kifo. Il n'a pas vu la mort. Hakuona kaburi. Il n'a pas vu le tombeau. Hakuona shida. Il n'a pas vu les problèmes. Na baba yake. Et son père alijenga city. A construit une ville. Akaitanisha na Enoch. Et il a dit cette ville s'appellera Enoch. Dans cette maison, kuna watu watajenga city. Il y a des gens qui vont construire des villes. Watajenga makanisa. Ils vont construire des églises. Ebu nitabirie mtu. Laisse-moi prophétiser sur kuna quelqu'un. Wachungaji watainuka hapa. Il y a des pasteurs qui seront élevés en ce lieu. Freemason wataona. Et les freemasons vont vous voir. Shetani atawaona. Le diable va vous regarder. Wanasema hapa tutaenda. Et ils vont dire ici on ne va pas toucher. Kuna intercessors wanainuka hapa. Il y a des intercesseurs qui seront élevés en ce lieu. Kuna billionaires. Il y a des millions, des milliardaires. Sijasema million, billionaires. Billion, billiardaires. Milliardaires. Hey, billionaires. Yes, il y a des milliardaires. Shida itakuwa ni kupata pesa. Le problème ne serait pas comment avoir l'argent. Ni kupeleka wapi. Pour emmener ça où? Watakuwa na pesa. Ils auront de l'argent. Kanisa la mwisho sasa. Et l'église de derniers jours. Watakuwa na ubiri na ndege. Ils vont commencer à prêcher dans des avions. Même si maintenant tu n'as même pas de passeport, ça c'est pas un problème. Non. Kuna kampuni zitafunguliwa hapa. Il y a des compagnies qui seront ouvertes ici. Ambazo Mungu ataziachilia kwa hii madhabahu. Et Dieu va les lâcher à partir de cet hôtel. Katika ibada ya jioni. Dans le culte de l'après-midi. Tutaongea juu ya releasing generals. Nous allons parler de libérer les généraux. Kuachilia majenerali. Libérer les généraux. Wakiongea Congo. Quand ils vont parler du Congo, dunia mzima imesikia. Le monde entier va écouter. Nanielewa kitu nasema? Vous comprenez ce que je dis? Fanya hivi mkono wako. Prends ta main, mets comme ça. Right. La main droite. Iyo mkono yako iko na line ngapi? Il y a combien de lignes sur ta main? Iyo mkono ya right iko na line ngapi? Il y a combien de lignes sur ta main droite? Sema na Kiswahili. Dis en Swahili. Iko ngapi mami? Il y en a combien maman? Eh? Iko ine. Na yako? Il y a quatre. C'est quatre. Ni ngapi? Ine. Ngapi yako? Combien? Ine. Quatre. Kwa nini kwa mkono wako Mungu ameweka line ine pasta? Pourquoi il a mis quatre lignes sur ta main? Meona one. Il y a two, un, deux, three, trois. Moja ime cross. Et l'autre qui passe. Umeona? Vous avez vu? Kwa nini kuna line ine kwa hiyo right? Pourquoi il y a quatre lignes sur ta main droite? Pose-toi la question. Mana, parce que Mungu alikuumba kwa mfano wake mwenyewe. Dieu t'a créé à son image. Akakuweka Eden. Et il t'a mis dans le jardin d'Eden. Alipokuweka Eden. Quand il t'a mis dans le jardin, hakuleta mvua. Il n'a pas amené la pluie. Mungu akaweka mito nne. Dieu a mis quatre rivières, quatre fleuves. Mungu akaweka mito ngapi? Quatre fleuves. Quand il a mis les quatre fleuves en Eden, Adam, il a dit à Adam, chapter 2, verse number 15, Genèse Genesis, 2, verset 15, go and work. Va et travaille. Il ne dépendait pas de la pluie. Mungu alikuumba ukiwa self-contained. Dieu t'a créé et tu es autosuffisant. Hata kama kuna jua kali, même s'il y a le soleil ardent, ukunje mkono, quand tu fermes la main, itatoa maji. Il y aura de l'eau qui va sortir. Na Mungu alisema, et Dieu dit, nitabariki kasi ya mikono. Je bénirai l'œuvre de tes mains. Sio kasi ya miguu. C'est pas le travail de tes pieds. Atabariki kasi ya nini? Il va bénir l'œuvre de kasi ya nini? L'œuvre des. Lakini sio kasi ya nini? C'est pas l'œuvre des. Na kaambia miguu kila mahali utakanyaga. Partout où tu fouleras tes pieds. Nitakupatia. Je te donnerai. Lakini mikono. Mais pour les mains. Ndio imebeba uhai. C'est là qu'il y a la vie. Leo ninaweka uhai kwa mikono. Aujourd'hui je mets la vie dans les mains. Nataka kukushangaza. Je voudrais te dire quelque chose. Ukisoma kitabu cha Mwanzo. Si tu lis dans le livre de Genèse. Mto moja inaitwa Havila. L'un des fleuves s'appelle Hazina. Nayo Havina. Havila. Havila. Nayo mto kwa Biblia inaitwa Havila. Et ce fleuve qu'on appelle Havila, iko hapa Congo. C'est ici au Congo. Si vous n'avez pas bien lu la géographie, et vous voyez dans ce fleuve du Congo, gold. Il y a de l'or. Vous savez, on est en train de nager dans la richesse. Dis, je suis béni. Là, il y a une Toyota. Thank you. Mito, oh, les fleuves qui sont là. In a supply. Ça donne, ça c'est en train de donner l'électricité. Gas. Ça peut donner le gaz. Utajiri. Des richesses. Na life. Et la vie. Kuna mtu anataka kukufa hapa. Il y a quelqu'un qui veut mourir ici. Weka mkono juu. Mets la main, élève ta main si tu veux mourir. Oh, hakuna. Il n'y a personne. Sema nitaishi. Dis, je vivrai. Kama Mungu alibadilisha laana ya Kain. Si Dieu a changé la malédiction de Caïn, laana ya wa Congolais imebadilishwa. La malédiction des Congolais est changée aujourd'hui. Nasema wa Kongomani, laana imebadilika leo. La malédiction est changée aujourd'hui. Kama kuna watu walimwaga damu. S'il y a les gens qui ont versé le sang. Na Mungu akaleta laana hapa. Et Dieu a amené une malédiction ici. Kwa sababu ya kutuma prophet. Parce qu'il a envoyé son prophète. Nimekuja ku declare the oracles of God. Je suis venu déclarer les oracles de Every Dieu. Every curse. Chaque malédiction. Iko kwa government ya Congo. Qui est sur le gouvernement congolais. Iko kwa judiciary. Qui est dans le système judiciaire. Iko kwa bank. Qui est dans le système kwa bancaire. Kwa biashara. Dans les affaires. Iyo laana leo. Cette malédiction aujourd'hui. Nasimama kama nabii wa Bwana. Je me lève comme prophète na de Dieu. Nakutangaza imekuwa broken. Et je déclare que cela est brisé. Kanisa hii. Cette église, natamuka iwe na television je station. Déclare que nous aurons une station de télévision. Sio kwa sababu ya pesa. C'est pas à cause de l'argent. Tunapohubiri hivi. Quand nous prêchons ainsi, dunia mzima, tout le monde entier, natakikana wajue Yesu yuko hapa. Il faut qu'ils puissent savoir qu'il y a un Dieu ici. Pokeni uhai ya baraka. Et c'est vrai la vie de la bénédiction. Mungu aliyebariki Kain. Le Dieu qui a béni Caïn. Amekumbuka Congo. Il vient de se souvenir du Congo. Amenituma leo siku ya 24. Il m'a envoyé aujourd'hui le 24. Ya mwezi wa pili. Le mois de février. Kubadilisha maisha yako. Pour changer ta vie. Je sens la grâce de Dieu. I feel the anointing. Je sens l'onction. Inua mkono, sema, Bwana, élève tes mains, dis Seigneur, sema, ouvre-moi. From today, à partir d'aujourd'hui, utaisabiwa mtu liye laniwa. Tu ne seras plus quelqu'un qui est maudit. Kuna mtu kwa Biblia naitwa Ezekiel. Il y a quelqu'un qu'on appelle Ezekiel dans la Bible. Weka mkono chini. Tu peux remettre ta Mungu main. Akamwambia Ezekiel, Dieu dit à Ezekiel, tengeneza nyumba yako. Prépare ta maison. Mana unaenda kukufa. Parce que tu mourras. Ezekiel akaenda akaomba. Ezekiel alla prier. Akamwambia Mungu. Et il dit à Dieu, wakati nilikuwa kanisani. Quand j'étais à l'église, nilikuwa naleta maji. J'amenais de l'eau. Nilikuwa najenga viti. J'amenais les chaises. Nilikuwa naosha kanisa. J'étais en train de faire le nettoyage. Bwana nikumbuke. Seigneur, souviens-toi de Mungu moi. Mungu akagusa nabii. Et Dieu a touché le prophète. Akamwambia nabii. Il lui a dit, prophète. Nende umwambie Ezekiel. Va dire à Ezekiel. Nimemuongezea miaka 15. Je viens de lui augmenter 15 ans. Maana maombi. Parce que la prière. Yamegeuza kifo. A changé la mort. Ikakuwa miaka 15. C'est devenu 15 ans. Kama kuna mtu alikuwa ameandikiwa. S'il y a quelqu'un qui a écrit. Atakufa 2019. On a dit que tu mourras en 2019. Nimekanzo hiyo habari. Je viens d'annuler cela. Hata kama kaburi lichimbwa. Même si la tombe est déjà creusée. Tunazika mapepo kwa hiyo kaburi. On va enterrer les démons dans cela. Toi tu ne vas pas entrer dans cette tombe. Nasema hautaingia. J'ai dit tu n'entreras pas dans cette tombe. Ninaombea wale wako kwa hospitali. Je prie pour ceux qui sont à l'hôpital. Ambao wanaota na kifo. Qui sont en train de rêver, en train hiyo de mourir. Hiyo kifo imefika mwisho. Cette mort est arrivée à sa fin. Leta mkono hivi. Mets la main comme ça. Ninakupatia upako ya kwenda kufufua walio kufia. Je te donne l'onction d'aller ressusciter les morts. Wale watu wote wanalia kukufa. Ceux qui sont en train de pleurer la mort. Watakapoona presence yako. Quand ils vont voir ta présence. Wanasema nataka kuishi. Ils vont dire je veux vivre. May God give you life. Que Dieu te donne la vie. Mungu akupatie maneno ya uzima. Que Dieu te donne les paroles de Kwanzia vie. Leo. À partir d'aujourd'hui. Na njia ya kifo. Et le chemin de la mort. Hautapitia. Tu ne passeras pas. Neno linasema. La Bible dit. Hatua ya mwenye haki. Les pieds du juste sont conduits par Dieu. Mungu kuongoze. Que Dieu te conduise katika njia ya uzima. Dans le chemin de la vie. Hakuna njia ya kaburi. Il n'y a pas de chemin vers la mort. Que tu vas, wala mtoto wako. Ou ton enfant. Hatakufa. Ils ne vont pas mourir. Kwanzia leo. À partir d'aujourd'hui. Watoto wako wanavuta bangi. Tes enfants qui sont en train de fumer le chanvre. Qui sont en train de s'enivrer. Wale watu mewaombea. Ces gens pour qui tu as prié. Hawajawahi kuokoka. Ils ne veulent pas être sauvés. Leo ninatoa amani kwao. Aujourd'hui je leur donne la paix. Na warushia roho ya wokovu. Je leur donne la vie, l'esprit de la sauvé, du salut. Cet homme. Analewa mpaka usiku. Qui est s'enivre jusqu'à la nuit. Mwisho leo. Aujourd'hui c'est la fin. Tunaweka roho ya wokovu kwa anga. Nous mettons l'esprit du salut. Tunaweka roho ya wokovu kwa anga. Nous répandons l'esprit du salut. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Katika kitabu cha First Kings. Dans Premier Roi. Mlango wa 17. 17. Mstari wake. Verset. Wa 25. 25. Maandiko inasema. La Bible dit. Mungu akatabiria akaambia Elijah. Dieu dit à Élie. Nenda umwambie Ahab. Va dire à Ahab. Kwa sababu amemwaga damu ya Naboth. Parce que elle a versé le sang. Mahali alimwaga ile damu. Là où elle a versé ce sang. Umbwa wakakunywa ile damu. Et les chiens ont lâché là-bas. Hata yake. Et même son sang aussi. Hapo. Sera lâché là par wakati Ahab alisikia hiyo maneno. Quand Ahab a écouté ces paroles. Alienda akatoa suti. Elle est allée, elle a enlevé sa veste. Akavalia magunia. Elle a porté le vêtement de sac. Na kuomba. Elle a jeûné et prié. Mungu akamwambia Elijah. Et Dieu a dit à Élie. Umeona vile Ahab. Tu viens que tu as vu comment elle s'est humiliée devant moi. Ile mateso nilipanga. Les souffrances que j'ai préparées. Sitaleta kwa wakati wake. Je ne veux plus mettre ça sur elle. Nitaleta kwa watoto wake. Cela viendra après sur ses enfants. Maana maombi. Parce que la prière. Imetoa jangwa. A enlevé cela. There is no permanent problem in your life. Il n'y a pas de problème permanent dans ta vie. Hiyo imani yako imechoka. Sema amen. Dis amen. C'est comme si tu es fatigué, ton amen est fatigué. Nasema hakuna shida ya milele kwako. Il n'y a pas de problème éternel pour toi. Nasema hakuna shida ya milele kwako. Il n'y a pas de problème éternel pour toi. Si Mungu amekupatia mdomo. Dieu t'a donné une bouche. Leo utatangaza. Aujourd'hui tu vas déclarer. Shida sikilisa. Écoute, problème. Mwenye alikuleta. Celui qui t'a amené ici. Sijui nani alikuleta. Je ne sais pas qui t'a amené. Ninakuamrisha. Mais je te beba mizigo yako. Prends tes histoires. Enda kule ulitoka. Et sors. Maana hapa sio kwenu. Parce qu'ici c'est pas chez toi. Unaingia kwa nyumba yako. Tu entres dans ta maison. Unamwambia ninyi mapepo. Tu dis toi démon. Mumekaa kwa hii nyumba. Vous êtes dans cette maison. Leo nimekuja na upako. Aujourd'hui je suis venu avec l'onction. Mumenisumbua sana. Vous m'avez beaucoup dérangé. Nikijenga hii nyumba. En construisant cette maison. Hatukujenga na wewe. On n'a pas construit ensemble. Na una bedroom kwa hii nyumba. Et tu n'as pas de chambre dans cette maison. Hauna chakula kwa hii nyumba. Tu n'as pas de repas dans cette maison. Na usifunge macho ukiomba hii. Il faut pas fermer les yeux en priant. Unamwambia shetani. Il faut dire Satan. Chochote chako kiko hapa. Tout ce qui est à toi ici. Beba. Prends. Nimekufungulia mlango. J'ouvre la porte pour toi. Potea. Va-t'en. Musiruhusu mashetani kwa nyumba zenu. Il faut pas permettre le diable dans votre maison. Hey. Bwana sifiwe. Gloire à Dieu. Kama wewe ni msichana mapepo na kata usiolewe. Si tu es une fille, il y a les démons qui sont en train de te bloquer pour ton mariage. Unasema mashetani ya kwetu ya kutofanya harusi. Et tu vas dire les démons là qui veulent bloquer les mariages. Musikilize. Écoutez-moi. I am beautiful. Je suis belle. And wonderfully created. Et j'ai été créé d'une manière magnifique. Yeah? Amesema vizuri. Yeah? I am beautiful. Je suis belle. And wonderfully created. Et magnifiquement créé. Nimeomba kwa sura ya Mungu. J'ai été créé à l'image de Dieu. Kuna mtu atanikataa. Il y a personne qui va me refuser. Kama mimi ni wa Mungu. Si je suis de Dieu. Nimebarikiwa. Je suis béni. Kuanzia leo. À partir d'aujourd'hui. 2019. Ninafanya harusi. Je vais me marier. Unamwambia papa. Et tu dis à papa. Mwezi wa 10. Le mois d'octobre. Tarehe hiyo ya wiki ya pili. La deuxième semaine. Harusi yangu itakuwa hapa. Yeah, c'est là célébré ici. Anauliza umepata mwanaume. Il va demander est-ce que tu as déjà un fiancé. Unasema by faith. Tu dis par la foi. Nimekamata yeye. Je saisis cet homme. Bwana sifiwe. Amen. Unaambiwa daktari anasema utazaa. Le docteur dit tu ne peux pas mettre au monde. Na ni kweli wanasema utazaa. Et c'est vrai ils l'ont dit tu ne peux pas mettre au monde. Unamwambia imeandikwa. Toi tu dis il est écrit. Hakuna atakayekuwa tasa. Il y a pas celui qui sera stérile. Kwa Israeli. En Israël. Kumbukumbu la Torati 7:14. Dans Deutéronome 7:14. Ata paka za kwangu paka. Même les souris dans ma ata maison. Umbua. Même les chats, même les chiens. Aitakuwa tasa. Il sera pas mwanaume na mwanamke. L'homme et la femme. Hawatakuwa tasa. Ils seront pas stériles. Sasa mwambie utasa. Alors dis à la stérilité. Umewahi kusoma Biblia? Est-ce que tu as déjà lu la Bible stérilité? Tell the devil to read the scripture. Dis au diable de bien lire la Bible. Mwambie shetani soma Biblia. Dis au diable lis bien les écritures. Imeandikwa. Il est écrit. Watu wote wanaingia kanisani. Tous ceux qui entrent dans l'église. Hakuna atakayekuwa tasa. Il y a pas celui qui sera stérile. Tasa sikiliza. Écoute stérile. Masaa yako ya kukaa hapa. Ton temps pour rester en moi. Imekwisha. C'est fini. Sikukuleta na mkono. Je ne t'ai pas amené ici avec si ma main. Sikuhitaji nikutoe kwa mkono. Je vais pas t'enlever avec una ma main. Una masikio ya kusikia. Tu as les oreilles pour écouter. Nimekuamrisha. Je viens de te commander. Beba utasa. Prends ta stérilité. Rudi kule ulitoka. Rentre d'où tu es venu. Hallelujah. Amen. Maandiko yanasema. Les écritures disent. Uzima na mauti iko hapa. La vie et la mort sont là. Yeah? The power of death and life. Le pouvoir de la vie et la mort. Na Biblia inasema wale wanapenda. Et la Bible dit ceux qui veulent. Atakula matunda. Ils auront les fruits. Tumia kinywa chako. Utilise ta bouche. Nasema tumia kinywa chako. Utilise ta bouche. Nasema tumia kinywa chako. Je dis utilise ta bouche. Unaweza kutangaza imefika mwisho. Tu peux déclarer que c'est la fin. Sema imefika mwisho. Dis c'est la fin. Hiyo sauti ni ya uoga. Sema imefika mwisho. Déclare que c'est la fin. Ule mtu ambaye ako violent. Sema imefika mwisho. Dis c'est la fin. Na umweleze uliye right na left mwambie ni mwisho. Et dis à celui qui est du droite à gauche, dis lui c'est la fin. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nasema nguvu ya maombi. Je dis la puissance de la prière. Msiombe maombi ya kulalamika. Faut pas prier en criant. Mungu meniacha. Seigneur, tu m'as laissé, tu m'as abandonné. Mimi ni bure. Je suis rien. Hakuna mtu ananipenda. Il y a personne qui m'aime. Hiyo sio maombi. Ça c'est pas une prière. Mwambie shetani. Dis au diable. Mimi ni wa Mungu. Moi j'appartiens à Dieu. Na baba yangu yuko juu. Mon père est là-haut. Haijalishi jeshi mekuzunguka. Peu importe l'armée qui est autour de toi. Wakati Mungu amekuja. Quand Dieu est venu. Hata uliza shetani fungua mlango. Il va pas demander au diable de l'ouvrir la porte. Mwenyewe atafungua. Ils vont ouvrir eux-mêmes. Nasema mwenyewe atafungua. J'ai dit lui-même il va ouvrir. Umaskini yenyewe itapiga bye. La pauvreté va dire au revoir. Yeah? Nasema unaonanga huyo mzee huwa anasema nitakuwa nitakuwa. Tu vois ce vieux là qui dit je vais te tuer, je vais te tuer. Siku ile anakuja hivi na panga. Le jour où il vient avec une machette. Atakutana na malaika amesimama hapo. Il va trouver l'ange est là. Anakauka mkono. Et sa main sera sec. Na anakuambia nipeleke kwa pastor. Et il va dire amène-moi chez le pasteur s'il te plaît. Ni vile hujajua wewe ni nani. C'est parce que tu ne connais pas encore qui tu es. Hebu nikushangaze leo. Laisse-moi te surprendre aujourd'hui. Unaweza fikiria mke wa president anaweza kuja kununua nyama hapa? Tu crois que la femme du président peut venir acheter de la viande ici? Ati anatembea hapa kwa miguu na pikipiki ama na avec une moto ou avec chukudu pour acheter de la viande. Alafu anasema nibebe mzigo. Et puis il dit prends mon sac pour moi. Mke wa president anaweza fanya? Est-ce que la première dame peut faire cela? Na Biblia inasema wewe ni bibi harusi. Et la Bible dit tu es l'épouse. Yesu ndiye bwana. Jésus celui le mari. Kama wewe ni bibi harusi. Et si toi tu es l'épouse. Acha kuogopa. Faut pas avoir peur. Mwambie niko na bwana. Dis j'ai un époux. Tetea mwambie shetani niko na bwana. Dis au diable j'ai un époux. Salamia mtu mwambie tu heshima. Salut quelqu'un dis lui qu'on se respecte. Qu'on se respecte. Tu parles avec crainte. Dis-lui qu'on se respecte. Amen. Nataka ujue your rights as a son and a daughter. Il faut connaître tes droits comme fils et fille. Am I smart today? Est-ce que je suis bien vêtu aujourd'hui? Nikos, very smart. Congratulations. Félicitations. Kuna ile papa juice alinunulia kikuja Kenya nitavaa jioni. Il y a ce que papa m'a acheté quand il est venu au Kenya, je vais porter ça l'après-midi. Nataka nikuletee ushuhuda. J'aimerais te donner un témoignage. 1992. Nilikuwa nimeandikwa kuwa mchungaji wa ng'ombe. J'étais inscrit pour être berger des vaches. Nilikuwa nalipwa dola 2. Et on me payait $2 kwa mwezi mmoja. Par mois. Tu dis tu as des problèmes, tu n'as rien. C'est juste que tu as mis des choses. Et tu es en train de condamner les gens. Quand j'ai été sauvé, j'ai vu un hélicoptère qui passait. Et il y avait le président dedans. Et moi aussi je me suis dit un jour, je serai dans un hélico. J'ai commencé à prophétiser. Je priais jusqu'à ce que je sois, je suis entré dans l'hélicoptère. In the spirit. En esprit. Lakini mfuko. Mais dans la poche, il n'y a même pas un dollar. Mungu afanyangi kazi na budget. Dieu ne fait pas son travail avec le budget. Il fait avec la bouche. Arrête de dire j'ai juste un dollar. Les dollars sont ici. Ceux qui savent utiliser ceci. J'ai dit ceux qui savent utiliser ça. Aujourd'hui, j'aimerais te contaminer. Dieu a dit à Jérémie, je mets une parole dans ta bouche pour aller déraciner et planter, pour détruire et construire. La parole est ici. Et il a dit à Jérémie, toi tu es comme un bâton, toi tu es comme une hache, toi tu es comme une flèche. Tu es comme une flèche. Si le diable vient, tu frappes la lance. Et j'ai dit au Seigneur, mais celui qui est dans l'avion, il a été né d'une femme. Moi aussi, je suis né d'une femme. Pourquoi moi je vais marcher à pied comme les vaches? Donc tu es sauvé et tu marches comme une vache. J'ai dit, c'est pas ça mon moi. Et j'ai commencé à écrire les choses que je refuse. J'ai commencé à refuser. Après cela, Dieu a commencé à me parler. J'ai appelé Dieu de bénédiction. Un jour, un jour, quelqu'un m'a dit, tu n'iras plus à Mombasa pour retourner à Nairobi en véhicule. Tu iras en avion. J'ai vu comme si c'était le monde entier qui était ouvert. Quand je suis entré dans l'avion, moi je n'ai pas eu une autre prière. J'ai dit seulement les démons qui sont en train de me bloquer là. Maintenant je suis ici en haut. Commencez à descendre. C'est moi qui suis en haut maintenant. À partir de ce moment là, Dieu m'a aidé. Je voyage avec ces choses. Et je crois en Dieu que je vais même en acheter un. Il y a ce qu'on appelle CRJ 900. New generation. Nouvelle génération. C'est l'avion là que je veux. Chaque jour, je lis et je cherche, je fais des recherches sur les avions. J'ai lu et je sais comment faire voyager cet appareil. Laisse les histoires des véhicules. Pour moi, le véhicule, personne ne m'a appris à conduire. J'ai vu quelqu'un en train de mettre la vitesse. Et le bishop a acheté un véhicule. J'ai dit, bishop, je sais conduire. Il a dit, vas-y. Je suis en train de danser, ça bougeait beaucoup. Je lui ai dit non, c'est le problème de l'embrayage qui n'est pas bon. Je suis rentré dans la prière. J'ai dit Seigneur, apprends-moi à conduire. Le deuxième jour, on m'a dit d'emmener les gens dans une autre cité. Je n'avais pas de permis. J'ai pris ma Bible, j'ai mis là. J'ai dit Seigneur, conduis. J'étais à 130 à l'heure. Mara ya kwanza. La première fois. Gari kakua kitubure. Le véhicule est devenu rien. Ima trela ndio naipeleka. Même les camions ici, je peux fundisho na bwana. C'est Dieu lui-même sasa qui m'a enseigné. Sasa nafundisha ndege. Et maintenant, je suis en train de m'enseigner comment hapo nitaenda kujifundisha meli. Après ça, je vais entrer pour conduire les bateaux. Biblia inasema mtatawala hapa nchi kavu. La Bible dit vous allez régner ici anga. Sur la terre, vous allez régner mutatawala dans les kwa maji. Vous allez régner dans les imeandikwa. Eaux. Il est écrit. Wacha maandiko itimie kwako. Que les écritures soient accomplies dans ta vie. Alléluia. Amen. Bado tuko pamoja. Nous sommes encore ensemble. Tumia kinywa chako. Utilise ta bouche. Wacha kusema sisi tulilaniwa. Il faut pas dire oh non, nous sommes maudits. Kwetu watu wajasoma. Chez nous les gens n'étudient pas. Ni sawa wajasoma. D'accord, ils n'ont lakini pas étudié. Mimi. Mais moi. Wacha kusema sisi, lakini mimi. Faut pas dire nous, tu vas dire mais moi. Sema mimi. Dis-moi. Sema mimi. Dis-moi. Amen. Amen. Uko tayari kutoka? Tu es prêt à quitter? Uko tayari kuamuka? Tu es prêt à te lever? Uko tayari kushinda? Tu es prêt de vaincre? Nasikia kuna neema kwa haya madhabahu. Je sens il y a une grâce sur cet hôtel. Ninaona kuna billionaires katikati. Je vois il y a des milliardaires parmi nous. Sio kwa sababu uko na company. C'est pas parce que tu as une compagnie. Kwa sababu you have nothing. Uko hauna kitu. Tu n'as rien. Mungu anakutoa chini. Mais Dieu va t'élever à partir de la poussière. Maandiko inasema anatoa watu mavumbini. La Bible dit il enlève les gens de la poussière, relève de la poussière et il fait asseoir avec les grands. Ninaomba Mungu akutoe kwa hiyo mchanga. Je prie que Dieu t'enlève de la poussière. Mungu akamwambia Joshua. Dieu dit à Josué. Wakati mambo yalikuwa mazito. Quand les choses étaient dures. Joshua 5:9. Dans Josué 5. Akasema leo. Il dit aujourd'hui. Leo. Aujourd'hui. Ninavingirisha. Je vais aibu. Je vais prendre la honte que les Égyptiens ont mis yako, et je vais mettre ça devant Joshua toi. 5:9. Josué 5:9. I'm rolling away. Je suis en train de the reproach of Egypt. Les problèmes des from Égyptiens. You today. Enlevez cela de toi aujourd'hui. Je prie que la reprobre qui Mungu était sur toi, que Dieu puisse enlever cela. Il y a des gens qui ont des affaires et ce n'est pas en train de bien marcher. Lève-toi, on va prier pour toi. Companies. Tu as une compagnie. Lève-toi, on va prier pour toi. Lève ta main en droite. Baba, kwa jina la Yesu. Père, au nom de Jésus. The anointing of increase. Je libère l'onction de l'augmentation. Hizo company kuanzia leo. Que ces compagnies à partir d'aujourd'hui zitabadilisha Congo. Puissent changer le Congo. Natuma mashariki. J'envoie de l'Orient. Magharibi. De l'Occident. Kaskazini na kusini. Du Nord et du Sud. Mungu akupanulie mipaka. Que Dieu t'épargne. Kuanzia leo. À partir d'aujourd'hui. Nyota yako itang'aa. Que ton étoile brille. In Jesus name. Au nom de Jésus. You may be seated. Vous pouvez vous rasseoir. Gloire à Dieu. Je ne sais pas quoi dire, je suis en train de me retenir. Parce que je peux prendre trop de temps en train de prophétiser. Mais je sens que Dieu est en train de me dire ceci. Laisse-moi dire à papa, au pasteur et maman, les heures pour se battre, c'est déjà fini. Pour cet hôtel. Nasema masaya kungangana. Le temps pour se battre, se bousculer. The hour of struggles. Le temps pour avoir des troubles, des problèmes. Imefika mwisho. C'est arrivé à la fin. Kuna watu zaidi ya 1,200. Il y a plus de 1,200 personnes. Mungu ametuma kwa hii huduma. Que Dieu a envoyé dans ce ministère. Wajiunganisha na maono. Pour qu'ils puissent se lier à la vision. Na kupitia maono. Et au travers de la vision. Agano ya maono. L'alliance de la vision. Jangwa yao itolewe. Leur désert sera ôté. Na waingizwe. Et ils vont entrer. Ujatumwa hapa kushiriki. On t'a pas envoyé ici juste pour être membre simple. Mungu amekuconnect. Dieu t'a connecté. Nasema you are connected. Tu es connecté. Na kupitia hiyo connection. Et au travers de cette connexion, kila mtu atafika. Tout le monde viendra. Simama mtumishi wa Mungu. 1 2 3. Pouvez-vous lever? Kuja. Venez. Simama hapo. Levez-vous ici. Angalia huko juu. Regardez vers le haut. Simama hapa. Simama kwa hiyo chini. Là. Rudi chini kidogo. Rentre un peu derrière. Na wewe rudi chini kidogo. Un pas en arrière. Na wewe rudi chini kidogo. Na wewe simama hapa. Simama hapo. Hapo chini. Hao hivi ndio Mungu ameweka. C'est comme ça que Dieu a fait. Hata yule. Même celui-là atafika hapa. Va arriver ici. Na kile tunahitajika kufanya hapa. Mais ce que nous devons faire en étant arrivé. Usiweke mikono hivi. Faut pas juste rester avec les mains comme ça. Shika. Tiens. Vous comprenez ce que je dis? C'est toi le protecteur de celui-ci. Quand l'ennemi vient, tu vas le menacer. Et c'est moi celui qui est en train de prendre sur un garde. Ce qui va venir derrière le pasteur, je vais m'en occuper. Et ce qui est devant dans le chemin, et c'est moi qui vais enlever cela. Et moi je tiens la main. En te tenant la main, donc je tiens aussi l'autre qui est derrière. Quand je te prends de où tu es, je t'amène où je suis. Et moi aussi je tire celui de d'où il était, je l'amène où j'étais. Et toi tu prends l'autre. Mets le pied en haut. Là-bas. Et nous continuons. Nous arrivons ici. Il arrive, j'arrive ici. Et finalement nous arrivons ici. Nous trouvons qu'il y a un problème ici. Ce n'est pas vous qui allez vous occuper de cela. C'est moi qui ai la puissance d'enlever cela. J'enlève cela. Je viens et j'enlève cela. Et je leur dis, les bénédictions sont là. Et nous continuons la marche. Nous continuons à y aller jusqu'à arriver à notre bénédiction. 2019, nous allons arriver à notre bénédiction. J'ai dit 2019, nous arriverons à notre bénédiction. 2019, toi et tes enfants, vous arriverez à la bénédiction. Toi et ton mari, vous arriverez à la bénédiction. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nimesikia nikutangazie hivi. Je sens te déclarer ceci, t'annoncer. Kila mtu ameshiriki ibada. Tout celui qui a participé à ce culte. Maisha yako yamebadilika. Ta vie est changée. Kila mtu ametoa sacrifice. Tout celui qui a donné un sacrifice. Maisha yako yamebadilika. Ta vie est changée. Na kila mtu ameomba. Et tout celui qui a prié. Maisha yako yamebadilika. Ta vie est changée. Kila roho imezuia maombi yako. Chaque esprit qui bloquait ta prière. Nimekuja kuipiga kwa ulimwengu wa kiroho. Je viens frapper dans le monde spirituel. Wale wanakuzuia kwenda. Ceux qui sont en train de te bloquer pour l'avancer. Natangaza wamefika mwisho. Je déclare qu'ils sont à la fin. Katika jina la Yesu. Je finis au nom de Jésus. Bwana Yesu asifiwe. Gloire soit rendue à notre Dieu. Hallelujah. Amen. Chochote kinakutesa. Tout ce qui te fait souffrir. Kabla mwezi wa pili haujaisha. Avant la fin de ce mois de février. Kabla haijafika Friday. Avant le vendredi. Natangaza ifike mwisho. Je déclare ça arrive à sa fin. Natangaza ifike mwisho. Je déclare que c'est arrivé à sa fin. Ninakomboa maisha yako. Je libère ta vie. Naachilia uponyaji kwa mwili. Je mets la guérison dans ton corps. Dieu est derrière la parole du prophète. Je suis venu déclarer aujourd'hui ce qui était couvert. C'est fini aujourd'hui. Thank you, Holy Spirit. Merci, Esprit de Dieu. Thank you, Holy Spirit. Merci, Esprit. Thank you, Holy Spirit. Merci, Saint-Esprit. Kuna watu mujaonekana miaka mingi. Il y a des gens, ça fait longtemps. Lakini sasa. Mais maintenant, mutaonekana. On va vous voir. Yesu akasema hivi. Jésus dit ceci. Ebu nikupeleke nimalize. Laisse-moi te dire quelque chose et puis finir. Wakati. Quand. Cain alijenga city. Quand Cain a construit la ville. Quand il a fini à construire la ville, kwa nyumba, kwa jina mtoto wake. Il a donné à cette ville le nom de son fils. Katika Matayo 5:14. Dans Matthieu 5:14 et 15, Yesu akasema, Jésus a dit, you are a city. Tu es une ville. Wewe ni mji. Tu es une ville. Uliojengwa juu ya mlima. Construit sur une montagne. Ambaye haiwezi jificha tena. Qui ne peut pas être caché. Wapendo watajaribu kukuzuia. Les gens essaieront de te bloquer. Watajaribu kukukataza. Ils essaieront de te dire non. Watajaribu kuzuia application yako. Ils essaieront de bloquer ton application. Watajaribu kukutafutia makosa. Ils essaieront de chercher des problèmes waka pour toi. Wakaua wataweza. Mais ils ne vont pas réussir. Watu wamekusanyika kinyume na wewe. Tout ce qui se lie ensemble na watawanya kwa jina la Yesu. Je les disperse au nom de Jésus. Laisse-moi te donner un dernier exemple avant de prier. Quelqu'un peut donner, peut me donner un pagne ou foulard? Thank you. Kuja mtu wa protocol uko vizuri sana. Tu es très good bon. Mzee. Pata upako ya bishop. Reçois l'onction de bishop. Pata upako. Thank you. Merci. Tazama. Regarde. Huyu ni mtu ambayo Mungu anataka mbariki. Ça c'est quelqu'un que Dieu veut bénir. Na baraka zake ziko hapa. Et ses bénédictions sont là. Lakini mtu mmoja. Mais il y a quelqu'un. Akakuja toa hii. Qui est venu. Akakuja akafunga yeye. Et il lui a fermé, il lui a bandé. Na akamwambia. Et il lui a dit. Aya, chukua baraka zako sasa. Prends tes bénédictions maintenant. Chukua maji yako. Prends ton bénédiction, prends l'eau. Chukua maji yako. Prends ta bénédiction. Kwa mesa. C'est sur la table. Aya, chukua kwa mesa. Tu peux prendre sur la table. Si uchukue maji. Prends l'eau chupa. Là. Prends la bouteille. Mwambie achukue chupa ya maji. Prends la bouteille d'eau. Ajaona. Il ne voit pas. Nipatie hiyo maji. Donne-moi de l'eau là, la bouteille d'eau. Kwa mesa chini. C'est sur la table, en dessous. Acha nikusaidie hii ndio ubebe. Laisse-moi t'aider. Haiko hapo. C'est pas de ce côté-là. Yani shetani amekufunga macho. Le diable t'a bandé les yeux. Leo nimekuja kwa neno la Bwana. Aujourd'hui je suis venu avec la parole de Dieu pour te libérer. Enda uchukue maji. Va prendre l'eau, la bouteille d'eau. Amechukua sekunde ngapi? Il a pris combien de secondes pour avoir la bouteille? Sio kwa sababu ni kuna watu wamekufunga. C'est parce qu'il y a des gens qui t'ont bloqué. Leo kwa jina la Yesu. Aujourd'hui au nom chochote de Jésus. Chochote umefungwa macho usione. Tu fermes les yeux pour que tu ne puisses pas voir. Cela est ôté. Nasema imeondoka. Je dis c'est ôté. Sema alléluia. Dis alléluia. Na jambo la pili. Et la deuxième chose. Nataka uone. J'aimerais que tu vois. Kuja wazee wawili. Deux hommes, j'aimerais avoir deux hommes. Kuja wazee wawili hapa. Deux hommes. Mungekuwa umekuja mbio. Fallait venir vite. Weka hiyo mzigo chini. Simama hapa rafiki yangu. Mets-toi debout là-bas. Simama hapa. Tiens là-bas. Niliwapatie mfano siku nyingine. Je vous ai donné l'exemple. Wewe unaomba, toi tu pries. Munga ameachilia baraka. Et Dieu a libéré la bénédiction. Baraka inakuja. La bénédiction vient. Inashikwa. C'est bloqué. Kwa sababu kuna kitu umewekewa. Parce qu'il y a quelque chose qu'on a mis. Hiyo ni Isaïe 25:7. Ça c'est Esaïe 25:7. Mungu amesema nimekubariki. Dieu dit que je t'ai béni. Ameachilia baraka. Il a lâché la bénédiction, libéré. Lakini inazuiliwa. Mais c'est bloqué. Mungu akasema kwa Isaya. Dieu dit à Isaïe. 25. Mustari wa 7. 7e verset. Nitavunja. Je vais briser. Ile covering. ce qui couvrait. Imefunika watu. Ce qui a couvert mon peuple. Na nitaiondoa. Et je vais enlever cela. Baada ya kuondoa. Après avoir enlevé Mungu cela. Mungu akiachilia baraka. Si lâche la bénédiction. Zinakuja kwako. Ça vient sur toi. Ile baraka umengojea. Cette bénédiction que tu attends. Miaka tano. Ça fait 5 ans. Miaka tatu. Ça fait 3 ans. Mwaka mmoja. Ça fait une année. Mwezi wa pili. Ce mois de février. Cela est libéré. Milango imefunguka. Les portes sont ouvertes. Na Mungu atakupatia nguvu. Et Dieu va te donner la force. Hata kama huyu ndugu wako na kanyama kunishinda. Même si ce frère est un peu plus bon que moi. Ninaweza sukuma yeye. Je peux le pousser, le bousculer. Naweza sukuma yeye. Je peux le pousser. Na Mungu atakupa uwezo. Et Dieu va te donner la puissance. Ya kusukuma wote kwa njia. De pousser tout le monde sur ton chemin. Et les enlever de ton chemin. Na mwisho utafika Canaan yako. Et enfin tu vas arriver à Canaan. Oh my God. Oh Dieu. Il y a des gens qui veulent donner des sacrifices ici. À cause de quelque chose de Dieu. Vous allez amener cela à l'autel. Levez-vous et nous allons prier. Levez-vous, nous allons prier. Levez-vous, nous allons prier. Élève ta main. J'aimerais prier pour cette chose dont tu t'entends. Déclare et commande cela que Amrisha ça descende. Ishuke. Commande que ça descende. Tangasa ishuke. Déclare que ça descende. Ansa kuomba. Commence à prier. Ansa kuomba. Commence à prier. Somebody pray now. Quelqu'un prie. Omba sasa. Omba prie maintenant. Sasa. Prie. Omba sasa. Prie maintenant. Omba sasa. Prie maintenant. Omba sasa. Prie maintenant. Ombea yo marriage. Prie pour ce mariage. Ombea yo visa. Prie pour ce visa. Ombea yo business. Prie pour ses affaires. Ombea yo trip. Prie pour ce voyage. Ombea. Prie. Oh my God. Oh Dieu. Jesus Christ. Jésus Christ. Kuna watu wanaenda kujawa na roho hapa. Il y a des gens qui seront remplis par Kuna l'esprit. Watu wanajazwa upako. Il y a des gens qui seront ouin. Kuna watu wanajazwa neema. Les gens qui seront remplis de grâce. Oh my God, my God, my God. Umeshinda vita. Tu vas vaincre. Umeshinda vita. Tu seras victorieux. Umeshinda vita. Tu seras victorieux. Umeshinda vita. Tu seras victorieux. Umeshinda vita. Tu seras victorieux. Ninakemea uchawi juu yako. Que la sorcellerie. Hayo magonjwa. Les maladies. Go. Sort. Go. Sort. Go. Sortez. Go. Sortez. Go. Sortez. Go. Sortez. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Ninakemea majini. Je viens contre les. Ninakemea laana. Je viens contre la jina la Yesu. Au nom de Ondoka. Jésus. Sortez. Omba sasa. Oh, prie Omba. Prie. Omba. Prie. Omba. Prie. Wewe umebarikiwa. Wewe umebarikiwa. Tu es béni. Wewe umebarikiwa. Tu es béni. Wewe umebarikiwa. Tu es béni. Wewe umebarikiwa. Tu es béni. Wewe umebarikiwa. Tu es béni. Wewe umebarikiwa. Tu es béni. Yes, Lord. Oui, Seigneur. Laana uliambiwa. La malédiction qu'on a dit sur toi. Je brise cela. Je brise cela. Utasa. La stérilité. Utasa. La stérilité. Utasa. La stérilité. Magonjwa. Les maladies. Fika mwisho. C'est la fin. Fika mwisho. C'est la fin. Oh Lord. Omba, omba, omba. Prie, prie, prie. Pokea ushindi. Reçois la victoire. Pokea ushindi mwanangu. Reçois la victoire. Pokea ushindi. Reçois la victoire. Pokea ushindi. Reçois la victoire. Pokea ushindi. Reçois la victoire. Pokea ushindi. Reçois la victoire. Oh my God. Biashara ilikufa. Les affaires qui sont ninaifufua. Je les ressuscite. Biashara ilikufa. Les affaires qui sont en train de naifufua. Je les ressuscite. Baraka iliibiwa. La bénédiction. Narudisha. Je remets cela. Narudisha. Je restitue. Narudisha. Je restitue. Narudisha. Je restitue. Marriage yako. Ton mariage. Narudisha. Je restitue. Baraka. La bénédiction. Narudisha. Je restitue. Baraka. La bénédiction. Oh my God. Oh Jésus. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Inua mikono yako. Élève ta main. Funga macho yako. Ferme tes yeux. Kuna kwa dakika mbili. Dans deux minutes. Bwana nataka kuhudumia watu. Dieu veut s'occuper de certaines Kuna personnes. Kuna watu wanajazwa nguvu. Il y a des gens qui seront remplis de force. Mutakapoenda saa hii. Quand tu vas aller maintenant. Baraka itawapata. La bénédiction va te Lord accompagner. Lord Jesus. Seigneur Jésus. Naachilia uwepo wako. Je libère ta présence. Naachilia uwepo wako. Je libère ta présence. Naachilia uwepo wako. Je libère ta présence. Naachilia uwepo wa Roho Mtakatifu. Je libère la présence du Saint-Esprit. Juu ya kichwa chako. Sur ta tête. Ndio hiyo imekuja. Voici cela, ça vient. Imeanza kukuja. Ça commence à venir. Ninaachilia nguvu za Mungu. Je libère la force Maisha ni mwako. Sur ta vie. Je libère la puissance de Dieu. Holy Spirit, Saint-Esprit, touch them. Touche-les. Holy Spirit, Saint-Esprit, touch them. Touche-les. Holy Spirit, Saint-Esprit, touch them. Touche-les. Holy Spirit, Saint-Esprit, touch them. Touche-les. Là derrière, il y a le Saint-Esprit qui vous touche. Vous êtes déjà en train d'être touché. Il y a des personnes qui sont en train de recevoir la force dans la main. Ici au milieu. Pale juu kwa gorofa. Là haut, au balcon. Na Mungu. Je libère la force de In Dieu. In the name of Jesus. Jésus. Pona. Sois guéri. Pona. Sois guéri. Pona. Sois guéri. Pona. Sois guéri. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Sante Bwana. Merci, Seigneur. Kuanzia leo. À partir d'aujourd'hui. Mizigo yako. Ton fardeau. Imeondoka. Et ôté. Mizigo imekusumbua. Les fardeaux qui te dérangeaient. Imeondoka. Sont ôtés. Magonjwa. Les maladies. Imeondoka. Sont ôtés. Kifo. La mort. Imeondoka. Est ôtée. Lana. Les malédictions. Imeondoka Congo. Sont ôtés du Congo. Imeondoka. C'est sorti du Congo. Kwa biashara yako. Dans tes affaires. Imeondoka. C'est sorti. Imeondoka. C'est sorti. Imeondoka. C'est sorti. Imeondoka. C'est sorti. Imeondoka. C'est sorti. Umebarikiwa. Tu es béni. Nabariki maisha yako. Je bénis ta vie. Nabariki nyumba yako. Je bénis ta maison. Miguu yako ninabariki. Tes pieds sont bénis. Mutafika na baraka. Tu iras avec la bénédiction. Hautazuiliwa tena. Tu ne seras plus bloqué. Hautazuiliwa tena. Tu ne seras plus bloqué. Nimekutuma. Je viens de t'envoyer. Enda ubarikiwe. Va et sois béni. Enda uinuliwe. Va et sois élevé. Enda tumikia Mungu. Va et serve. Enda ushinde vita. Va et combat le bon combat. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Imefika mwisho. C'est arrivé à la fin. Imefika mwisho. C'est arrivé à la fin. Imefika mwisho. C'est arrivé à sa fin. Nyosha mikono yako hapa. Élève ta main ici en haut. Inua mikono yako. Élève ta main. Nataka kuomba na nabii wa nyumba huu. Je prie avec le prophète. Baba kwa jina la Yesu. Seigneur au nom de Jésus. Ninaachilia kuongezeka kwa huduma. Je libère l'augmentation dans ce ministère. Naachilia billionaires kuinuliwa. Je libère les milliardaires d'être élevés. Wagonjwa wa cancer. Les maladies qui ont le les malades qui ont le cancer. Wagonjwa high blood pressure. Ceux qui ont l'hypertension. Diabetes. Le diabète. Arthritis. Le rhumatisme. Allergy. Toutes les allergies. Imefika mwisho. C'est arrivé à sa fin. Pona. Sois guéri. Pona. Sois guéri. Pona. Sois guéri. Nimeachilia upako ya kuponya magonjwa. Je libère l'onction de guérison. Watumishi wako hapa. Les serviteurs qui sont au Seigneur. Nimeachilia nguvu za Mungu kwako. Je libère la force de Dieu sur toi. Kuna watu mnatuma kuponya wagonjwa. Les gens que vous envoyez pour Ninatuma baraka maishani mwako. J'envoie la bénédiction. Receive the anointing. C'est le jour de l'onction. Pokea upako. Reçois l'onction. Pokea upako kwa ya madhabahu. Seigneur, dis merci au Seigneur pour ce qu'il vient de faire dans ta vie. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur.